Sucer de Montréal, journal sans presque d'en parler comme les paparazzi à Paris qui ont tué Lady. Mais y'ont rien compris, t'écrives c'est con, ça rien à voir son con. Comment veux-tu comprendre ce qui se passe, t'es con. Les journaux parlent du rap et du suicide comme s'ils savaient ce que c'était son bon. Un, vous savez, il se suicide, deux, sur le RAP. Hier, vous étiez en train d'écrire sur le Rock'n'Roll pis les BMW. Puis aujourd'hui, vous voulez écrire sa réalité déconnectée qui vous permet de prétendre que vous pouvez comprendre. Vous avez rien compris, vos gueules. Ceux sur les milieux connaissent l'enjeu, vous êtes bien trop vieux. Puis prétentieux, ce que vous faites, c'est dangereux. Yo le car, si tu sais quoi, de regarder les souliers quand tu marches pour éviter le regard des racistes, la préjudice, la police. Avec moins sentiment dans tes poches, pas d'amour qui t'approche. Ton père qui est en son, puis ta maman qui danse, puis qui vend du hachin. Pendant que les enfants de riches ont une voiture neuve à 16 ans, fait ta gueule. Puis demande pas à Patrick Bruel si t'as le droit, t'as pas le droit. Mais moi, c'est toute une autre histoire. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Moi j'ai droit, j'ai un cousin, José, un frère, j'ai seul une gang de boys qui sont passés l'autre bord. Peace, one love, fait que moi t'amener de l'autre bord. Tu veux savoir pourquoi y'en a qui suicident? Mais ta gueule, monte le son et listen. Quand y'a plus rien qui clique, de psarté, que tu sens seul, même que t'es en public. Que personne n'est comme toi, t'es unique. Puis personne te respecte, tu deviens fragile. T'es prêt à tout faire pour de l'attention ou de l'amour. Tout est gris, y'a plus rien qui semble sûr, solide. Tu t'ennuies tellement que tu penses au suicide. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, qui est de l'autre bord? Tu t'en fous, t'es tabou, ça peut pas être pile au bord. Ici c'est l'enfer, fait que tu pars. Mon pense, c'est à cause de la drogue puis la musique que t'as peur. Mais yo, la seule chose, le dope puis la musique, elle peut faire un suicida. C'est sûrement de le garder plus longtemps sur ta. Puis si la musique l'a vraiment fait suicider, comme les kids qui se sont tués pour aller voir Nirvana en concert en face des hauts parents des élevés, leur enfant. Chétan, c'est dur d'en parler, mais parlez-en pour l'amour des enfants. Parce que c'est le manque de l'amour qui fait qu'il y en a qui a. Parce que si t'as de l'amour du monde que t'aimes, Qatar, t'as pas de problème. Mais je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, je juge pas, j'aime. Suicide, pas d'âge, pas de race, pas de face. Laisse parfois une trace, une lettre qui explique pourquoi. Une lettre qui dit souvent, excusez-moi. Je sais que je suis pas correct, je vous ai fait de la peine. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Ou qui explique quel était le problème. Le dilemme qui l'a forcé à se suicider comme une fille. Y'en a qui aiment tellement une personne qui veulent pas vivre sans elle. Ici, ce que j'ai isolé, ça va régler mes blèmes pro. Puis souvent, ils l'ont pas, ben ça fait un dilemme de trop. Comme Anoudette avec Sophie, m'en disent pour ça qu'il est parti. D'en haut du pont, Jacques Cartier, peace Anoudette, la part de MAB et le monde de AB. Tout ça pour dire que le suicide, c'est la fin d'une route où on voit plus devant soi, où on voit rien, juste du noir et blanc, où on sent rien. Même le choc de la mort devient rien. La dépression totale, stress anormal qui cause l'acte fatal. Fait qu'arrête d'écrire des conneries sur suicide, vos gueules. Parce que personne sait encore pourquoi Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, James Dean, la pointe Queen, Savannah. Des riches et célèbres se sont suicidés, des bons méconnus se sont suicidés, des jeunes et moins jeunes. Fait que vos gueules, arrêtez d'imaginer. Le suicide est une réalité, comme le stress, SOSPS. Casey Hermanopi pense que le suicide c'est pas une solution. Tue-toi pas parce que les autres sont cons, c'est con. Puis c'est une harmonie aux familles de ceux qui se sont suicidés. Same thing. I just want to give it up and just, you know, lay down and die and just never wake up. You know how it goes.